بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 35 dans l'explication du Sharh de Kitab al-Tawhid de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan Qurrat Uyun al-Muwahidin, avec les explications et les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Donc, on était arrivé à un point maintenant où le Cheikh, il continue donc son explication du hadith. Donc, vous savez qu'on est encore dans le chapitre numéro 2. Babu fadl al-tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Et jusqu'à date, dans ce chapitre, on a expliqué plusieurs des hadiths qui ont été mentionnés. Donc il y a 4 hadiths dans ce chapitre. On a expliqué le hadith de Ubadat ibn Samit, après avoir expliqué le verset que le Cheikh a cité en premier. Donc le premier hadith, le hadith de Ubadat ibn Samit. Le deuxième hadith, le hadith de Utban ou Itban. Et on était en train d'expliquer le troisième hadith, c'est-à-dire le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu à propos de Moussa alayhi salam, quand il a demandé à propos de cette parole de la ilaha illallah, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a indiqué de mentionner, de dire la ilaha illallah, et puis il a dit oui, mais tous tes serviteurs disent ça, parce qu'il avait demandé une parole par laquelle il pouvait invoquer Allah et adorer Allah. Et il a dit, tous tes serviteurs disent cette parole-là, hein, en voulant dire, apprends-moi quelque chose d'autre, quelque chose de particulier. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a expliqué, il lui a mentionné que si on mettait la ilaha illallah dans la balance, et que de l'autre côté de la balance on mettait les cieux et la terre et tout ce qui est dedans, eh bien, la ilaha illallah serait plus lourd. Donc, c'est pour indiquer en même temps que la ilaha illallah, il a une grande valeur, un poids extrêmement lourd dans la balance, et il n'y a rien qui peut dépasser ce poids-là dans la balance au jour de la résurrection. Et en fait, cette parole-là, c'est la parole la plus importante. Donc, on est en train d'expliquer au dernier cours les conditions qui sont reliées à la prononciation de cette parole de la ilaha illallah. Et on continue donc avec les explications que le Cheikh il a mentionnées à ce sujet. Donc il dit wa fil hadith as-sahih afdalu ad-du'a yawma 'arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc il dit le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il cite le hadith, et ce hadith là, hein, c'est un hadith également authentique qui est à propos du doua de Arafah. Il dit dans ce hadith, le meilleur doua, c'est le doua du jour de Arafah. Et le doua du jour de Arafah, c'est de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est ça le dua de Arafah, le jour de Arafah. Donc il dit le meilleur dua, c'est celui du jour de Arafah. Et il dit, et la meilleure parole que j'ai dit moi-même ainsi que les prophètes avant moi, c'est de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce qui signifie, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, sans associé, sans partenaire. C'est à lui qu'appartient le royaume, c'est à lui qu'appartient la louange, et il a le pouvoir sur toute chose. Et le Cheikh Al-Fawzan, il a fait des commentaires sur ce doua ou sur ce hadith. Premièrement, il explique que le meilleur doua, c'est le doua de Arafah. Il dit afdalu du'a, ou afdalu du'a, du'a ou yawmi Arafah, وهو اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يقف فيه الحجاج في عرفات ويؤدون الركن الأعظم من أركان الحج وهذا هو أفضل الأيام يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذا فيه أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء سماها دعاء لأن الدعاء كما مر بكم دعاء عبادة وثناء على الله وذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله ففي هذا الحديث أن لا إله إلا الله هي أفضل الدعاء الذي يقال في أفضل يوم وهو يوم عرفة سواء كان من الحجاج أو من غير الحجاج فهذا يشمل المسلمين في أقطار الأرض فيستحب لهم يوم عرفة أن يكثروا من هذه الكلمة Donc le cheikh il explique ici, il dit que bon, ce hadith, hein, le meilleur dua c'est le dua du jour de Arafah, et il explique que le jour de Arafah c'est le 9e jour du mois de Dhul-Hijjah, dans les mois islamiques, le calendrier musulman, et donc le mois de Dhul-Hijjah, qui est le dernier mois de l'année, selon le calendrier Hijri, et c'est le 9e jour de ce mois-là, et c'est le jour dans lequel les gens qui sont au Hajj vont se tenir à un endroit qu'on appelle Arafah. En Arabie Saoudite, c'est près de la Mecque, et ils vont accomplir le pilier le plus important parmi les piliers du Hajj, c'est Arafah. Hein, le Al-Qiyam bi-Arafah. Et les ulama, ils disent que celui qui a manqué Al-Wukuf bi-Arafah, alors il n'a pas de Hajj. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Hein? Donc c'est le pilier le plus important. Et il dit ensuite que c'est le meilleur jour. Le jour de Arafah, c'est le meilleur jour. Et il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur dua, c'est le dua du jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai dite moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi dans son Sunan. Et il est déclaré Hassan par le Cheikh Al-Albani. Donc il dit ce hadith, dedans il y a la preuve que la ilaha illallah c'est le meilleur rappel, le meilleur dhikr, et c'est le meilleur dua, et on l'a appelé dua, hein, il l'appelle dua parce qu'on sait que le dua se divise en deux catégories, dua ou ibada ou dua ou mas'ala. Donc ça c'est les deux catégories de dua, dua ibada, ça c'est qu'est-ce qui comprend l'adoration, l'éloge, le rappel d'Allah. Et dua mas'ala, c'est la demande, lorsqu'on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les deux catégories de dua dont on a parlé déjà il y a quelques cours. Ensuite le cheikh explique le passage ou la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, c'est-à-dire la meilleure parole que j'ai dite moi et les prophètes avant moi. Le cheikh il dit à ce sujet-là, yani hada fihi an din al anbiya wahid wa huwa at tawhid. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que le prophète que lui-même a prononcé cette parole ainsi que les prophètes avant lui et que c'est la meilleure parole qu'ils ont prononcée. Eh bien ça prouve déjà que tous les prophètes ont une seule et unique religion, et c'est la religion du Tawhid. Hein, c'est ça la religion du tawhid et c'est ça l'islam. Ensuite, il dit le shaykh, La ilaha illallah. Donc, il explique le dua lui-même. Il dit, يعني هذا فيه أن لا إله إلا الله ذكر عند جميع الأنبياء كما علمها الله تعالى لموسى عليه السلام مما يدل على فضلها. Donc il dit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit que ça c'est la meilleure parole qu'il ait dite lui ainsi que les prophètes avant lui et qu'il mentionne لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Il dit ça c'est la preuve que la ilaha illallah c'est un dhikr, un rappel pour tous les prophètes et que yani, ça montre son mérite comme Allah l'a enseigné à Moussa alayhi salam, il l'a enseigné à tous les messagers, à tous les prophètes aussi. Et ensuite le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر ما في هذا فيقول لا يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنه. Donc le cheikh il cite maintenant, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il cite maintenant le hadith qu'on appelle Hadith al-Bitaqa. C'est un hadith célèbre et qui montre en réalité l'importance du tawhid et de la ilaha illallah. Et ce hadith de al-Bitaqa, c'est une preuve très forte justement par rapport au titre de ce chapitre, le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché. Donc ici le cheikh Abdurrahman ibn Hassan il a cité ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu marfou'an, c'est-à-dire que c'est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cheikh al-Fawzan il dit à propos de ce hadith: hadha hadithul bitaqatil mashhur anna rajulan yu'ta bihi yawm al-qiyamati alayhi tis'atun wa tis'una سجلا ثم يقول كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات ليس فيها حسنة واحدة فيقال له هل لك حسنة فيقول لا فيقال إنك لا تظلم ثم تخرج له بطاقة يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله يعني قال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص ويقين ومات عليها فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ويدخل الجنة كما أن لا إله إلا الله رجحت بالسماوات والأرض ومن فيهن غير الله أيضا رجحت بالسيئات فهذه فضيلة أخرى لهذه الكلمة العظيمة وهذا الحديث حديث البطاقة وغيره مما يدل على أن لا إله إلا الله يدخل صاحبها الجنة أو يدخل بها صاحبها في الجنة وينجو من النار، مقيدة بالأحاديث الأخرى أنه لا بد من العمل. أما من يقولها وهو لا يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه، لكن هذا الرجل قالها عن يقين وإخلاص ومات على ذلك، أي مات موحدا وختم له بها تائبا إلى الله عز وجل، فمحى الله جميع ذنوبه. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به جميع السيئات. Donc le cheikh il explique que ce hadith de la carte, c'est un hadith célèbre, et c'est un hadith qui mentionne qu'il y a un homme qu'on va amener au jour de la résurrection, et on va ramener et aller contre lui 99 registres. 99 registres, et ces registres là sont de la hauteur de la limite que l'œil peut atteindre, c'est-à-dire à perte de vue. La hauteur de ces registres, c'est à perte de vue, hein, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu puisses plus voir même jusqu'où ils vont. Et tous ces registres sont remplis de péchés. Il n'y a pas une seule bonne action dedans. Et il dit, on va dire à cette personne, est-ce que tu as une bonne action? Est-ce que tu as une hasana? Et lui, il va dire non. Hein, par crainte, hein, quand il voit ces registres-là qui sont accumulés et rassemblés, 99 de la distance de jusqu'à l'œil, jusqu'où l'œil peut voir, hein, il dit non, j'ai pas de bonne action. Alors, on lui dit, certes, oui, tu as une bonne action. On ne te fera pas d'injustice aujourd'hui. Et on va lui sortir une carte, une petite carte. Et sur cette carte, il y a la mention écrite « La ilaha illallah ». Hein? Alors il dit « Oh mon Seigneur, qu'est-ce que cette petite carte peut faire à côté de tous ces registres de péchés, hein, que j'ai commis ?» Il dit « On ne te fera pas d'injustice aujourd'hui. » Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, le cheikh, que cette carte, il y a écrit dessus « La ilaha illallah ». Il dit, c'est-à-dire que cette parole de « La ilaha illallah », elle a été prononcée avec véracité, avec sincérité et avec certitude. Et la personne est morte sur cette parole. Alors, on va placer tous les registres dans un des deux plateaux de la balance, les 99 registres dans la balance, un côté. Et dans l'autre côté de la balance, l'autre plateau, on met la carte sur laquelle il y a écrit « La ilaha illallah ». Et là, qu'est-ce qui se passe? La carte, elle écrase, hein, elle est plus lourde dans la balance que tous les registres des péchés de la personne, et il entre au paradis. Donc le cheikh il dit, de la même manière que la ilaha illallah est plus lourde que les cieux et la terre et tout ce qui est dedans, hein, en dehors d'Allah, et il dit de même que les registres avec les péchés, eh bien ils sont plus, ils se font légers, ils sont légers à côté de la carte sur laquelle il y a la ilaha illallah. Et donc il dit, le cheikh, qu'il y a dans ça une autre preuve du grand mérite et de l'excellence de cette parole importante et grande. Et donc ce hadith de la carte, ainsi que d'autres versets et d'autres hadiths, indiquent, hein, que la personne qui a dit « La ilaha illallah », eh bien, cette parole le fait rentrer au paradis et il est sauvé de l'enfer, bien entendu en tenant compte des autres restrictions ou des autres conditions qui sont mentionnées par d'autres hadiths à ce sujet. C'est-à-dire, par exemple, qu'il faut absolument que la personne fasse les bonnes œuvres, dans le sens qu'il doit appliquer son tawhid. Que si la personne dit la ilaha illallah, puis qu'elle n'agit pas selon ce qui est impliqué par la ilaha illallah, elle fait du shirk ou des paroles de shirk, dans ce cas-là, ça ne lui servira à rien. Mais tandis que l'homme qui a dit la ilaha illallah avec certitude et avec sincérité, et qui meurt sur cette parole, et qui meurt sur le tawhid, et qui termine sa vie par ça, il s'est repenti à Allah par cette parole, alors Allah lui effacera tous ses péchés. Et c'est donc ici une indication du mérite du tawhid et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala efface, il efface toutes les désobéissances et tous les péchés par le tawhid. Et le shaykh dit يشهد لهذا الحديث. C'est comme par exemple, si on dit que la personne, quand elle rentre dans l'islam, elle dit la ilaha illallah, elle redevient comme le jour que sa mère l'a mis au monde. Si cette parole est vraie, lorsque la personne se convertit à l'islam, elle se convertit comment? Elle se convertit en prononçant la ilaha illallah. Elle dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et elle devient comme le jour que sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire que ses péchés sont tous effacés à partir de ce moment. Et donc la personne qui prononce la ilaha illallah muhammad rasulullah à n'importe quel autre moment dans sa vie, même s'il est né musulman et qu'il le prononce avec sincérité, avec certitude, avec véracité, avec amour et avec toutes les conditions, eh bien c'est sûr que ça aura également le même effet que la personne pour qui ça a été le témoignage de sa conversion. À chaque fois que tu prononces ce témoignage, ça compte, Et le cheikh il dit يشهد لهذا الأحاديث الآتية في آخر الباب وليس المراد أن مجرد النطق بلا إله إلا الله حصل بها هذا الفضل العظيم لهذا الرجل، بل هو نطق مع اعتقاد ويقين وإخلاص لله عز وجل بدليل الأحاديث الأخرى. فالأحاديث يقيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فلا نأخذ طرفا ونترك الأطراف الأخرى، فنقول النطق بلا إله إلا الله، فنقول النطق بلا إله إلا الله، يعني دونك الشيخ يقول فلا نأخذ طرفا ونترك الأطراف الأخرى، فنقول النطق بلا إله إلا الله يكفي، ولو فعل الإنسان ما فعل من الشرك وعبادة غير الله إلى آخره، نقول لا، هذا ليس صحيحا. الذي يأخذ طرفا من الأدلة ويترك طرفا من هذا، ويترك طرف، يعني يأخذ طرفا من الأدلة ويترك طرفا، هذا من أهل الزيغ الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما الراسخون في العلم فإنهم يقولون كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض، فيقيدون المطلق ويخصون العام ويفسرون المجمل، هكذا فعل الراسخين في العلم. Donc le cheikh explique que ce hadith, donc quand on regarde tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné par rapport à ce sujet, Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith? Il dit, il faut regarder aussi les autres hadiths qui sont mentionnés dans ce chapitre. Il dit donc, c'est pas uniquement le fait de prononcer la parole de la ilaha illallah qui fait que quelqu'un peut obtenir ce grand mérite. Il dit, parce que cet homme, lorsqu'il a prononcé la ilaha illallah, eh bien, il faut comprendre que cette parole a été prononcée de sa part avec conviction, avec certitude, avec sincérité. Et la preuve de ça, c'est dans les autres hadiths. Hein? Parce que les hadiths, ils se limitent les uns les autres. Ils se restreignent les uns les autres. Et ils s'expliquent et s'interprètent les uns les autres. C'est-à-dire que tu as besoin des autres hadiths pour les comprendre ensemble, pas seulement individuellement. Et c'est pour cette raison-là que, par exemple, il y a un hadith qui mentionne une condition parfois, et dans un autre hadith, il y a une autre condition qui est mentionnée, et dans un troisième hadith, il y a une troisième condition, et dans un quatrième hadith, une quatrième condition. Et lorsque tu les mets tous ensemble, c'est là que tu arrives avec toutes les conditions réunies. Donc, si quelqu'un prend juste, par exemple, un seul de ces hadiths-là, et qu'il se base uniquement sur celui-là, et il dit, moi, j'ai fait ça, donc, je suis correct, on va dire non, hein, parce que tu as seulement pris un hadith tout seul sans tenir compte des autres hadiths où les autres conditions sont mentionnées. Et c'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer ici. Donc il dit, si quelqu'un dit yani, qu'il prend uniquement une partie des hadiths et il laisse l'autre partie, alors dans ce cas là on va lui dire, hein, si la personne elle pense que juste le fait de dire la ilaha illallah c'est suffisant, même si la personne elle fait n'importe quoi comme acte de shirk et comme adoration d'autre que Allah, hein, comme c'est le cas de beaucoup d'entre les gens à notre époque malheureusement, eh bien nous on dit dans ce cas-là non, ça c'est pas correct, hein, parce que celui qui prend uniquement une partie des preuves et qui laisse l'autre partie, il fait partie des gens de la déviation. Ceux qui prennent les versets et les hadiths qui sont équivoques, hein, et qui délaissent les versets explicites et clairs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion à ce comportement-là dans le verset 7 dans Surat Al-Imran, lorsqu'il clarifie que ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils cherchent, hein, de façon volontaire et intentionnelle les versets qui sont équivoques, c'est-à-dire qui peuvent avoir plusieurs explications, plusieurs interprétations possibles. Et ils cherchent ces versets-là de façon intentionnelle et volontaire, uniquement pour faire de la fitna, hein, pour créer des troubles et pour essayer de les interpréter. Tandis que les gens qui sont enracinés et ancrés dans la science, eux, Allah, ils mentionnent à leur sujet qu'ils ramènent qu'est-ce qui est équivoque aux versets qui sont explicites pour les comprendre. Et ils disent kullum min indi rabbina, c'est-à-dire tous ces preuves-là, tous ces versets-là sont de la part de notre Seigneur. Donc il ne faut pas les frapper les uns contre les autres, mais plutôt les interpréter les uns avec les autres. Et donc ils ramènent qu'est-ce qui est équivoque aux versets qui sont explicites, et ils interprètent de cette manière la parole d'Allah et la parole de son messager les uns avec les autres. Et quand il y a quelque chose qui est général, eh bien ils le restreignent par les preuves qui viennent pour le restreindre ou le limiter. Quand il y a quelque chose qui est qui est général, ils le spécifient. S'il y a un autre verset ou un autre hadith qui clarifie certaines restrictions ou certaines conditions, ils expliquent qu'est-ce qui peut avoir une compréhension plus générale, ils le clarifient, ils l'expliquent avec les autres versets qui parlent de ce sujet-là et les autres hadiths. Et ça, c'est pas seulement dans les questions qui ont rapport avec ce sujet-là, mais avec tous les autres sujets qui ont rapport avec l'islam en général, hein. Et le cheikh, il dit, c'est comme ça que font les hommes de science qui sont enracinés dans la science fermement. Et ensuite, il explique les paroles du hadith, comme par exemple quand on dit dans le hadith yusah bi rajulin. Le cheikh il dit yusahu bi ma'na yunada yawm al-qiyamah ala ru'us al-khala'iq fi al-mahshar. Donc yusah, ça veut dire on va appeler à haute voix, hein, on va l'appeler à haute voix et devant tous les hommes, hein, au jour de la résurrection, quand toutes les créatures sont rassemblées. C'est ça la signification. Et le cheikh il dit ensuite, yani, on va lui sortir 99 registres. Yani, 99 registres, sijillan en arabe. Et as-sijil, huwa al-daftar al-kabir, alladhi tuktabu wa tudawwanu fihi al-ashya. Donc as-sijil, c'est comme un genre de cahier, hein, un grand cahier ou un registre dans lequel on écrit des informations et des choses. Après, il dit, كل سجل مد البصر أو مد البصر مد البصر نعم ليس مثل سجلاتكم هذه وإنما مد البصر إن البصر إلى أين يمتد يمتد إلى السماء donc il dit les registres en question ce sont pas comme les cahiers ou les livres que vous avez ici les registres dans la dunya non. Ça c'est des registres qui vont jusqu'à la limite de ce que l'œil peut voir, c'est-à-dire sont tellement longs, sont tellement hauts que yani tu peux regarder jusqu'au ciel puis yani il termine pas. Donc mad al-basar, c'est-à-dire à perte de vue, hein, dans ce sens-là. Et après il explique le cheikh quand on lui dit innaka la tuzlam al-yawm أو لا ظلم عليك إنه وإنه لا ظلم عليك donc le شيخ dit فيقال بلى إن لك عندنا حسنة parce qu'on lui pose la question est-ce que tu as une حسنة et lui il a peur il dit non j'ai pas de حسنة parce qu'il voit ses 99 registres hein? Alors on lui dit on va pas te faire d'injustice aujourd'hui il n'y a pas d'injustice aujourd'hui pourquoi parce que dans la dunya il y a de l'injustice mais dans le jour de la résurrection il n'y a pas d'injustice parce que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, il est juste, il n'y a pas d'injustice, hein? Et c'est pas par rapport, c'est pas juste par rapport à la quantité, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la réalité des cœurs et la situation des hommes et il connaît leur sincérité, hein? Donc quand il juge avec toute la vérité. C'est pas comme le juge dans la dunya, l'être humain, il est limité par les choses qui, quand il juge selon ce qu'il sait, il juge selon ce qu'il comprend, hein, et il est limité dans ça, parce qu'il n'a pas toute la connaissance, il n'a pas toute la compréhension, hein, des choses, les êtres humains sont limités, hein, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il juge premièrement avec la science, hein, complète de toute chose. Et les êtres humains, quand ils jugent, ils peuvent avoir d'autres intentions, ils peuvent être tentés par des choses de la dunya et donc à faire de l'injustice. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le juste, hein. Et donc il y a rien qui peut le faire détourner de la justice. Déjà, tout lui appartient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la justice. Et il mentionne dans plusieurs versets qu'il ne fait pas même le poids d'un atome d'injustice. Naam. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. C'est ça qu'on va expliquer. Le cheikh, il explique, il dit فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك وهذا دليل على أن التوحيد حسنة قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع وهم من فزع يومئذ وهم من فزع يومئذ آمنون. يعني هذا هو التوحيد، من جاء بالحسنة يراد بها التوحيد، ومن جاء بالسيئة يراد بها الشرك. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالتوحيد أعظم الحسنات، والشرك أعظم السيئات والعياذ بالله، والله لا يظلم أحدا. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا الرجل عصى الله فيما يملأ 99 سجلا، ولكن الله حلم عليه ولطف به وأنصفه سبحانه وتعالى ولم يظلمه. Donc le cheikh il dit que on va lui dire: oui, tu as une hasana, hein, tu as une bonne action, hein, on va pas te faire d'injustice. Et ça, c'est la preuve que le tawhid c'est une hasana. Et il mentionne le verset 89 dans surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. Celui qui vient avec une bonne action. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par la bonne action? En réalité, c'est at-tawhid. At-tawhid. Et il dit: man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'i yawma idhin aminun. Donc on va lire maintenant l'explication ou la traduction de ça dans le verset 89 dans Surat An-Naml. Et quiconque viendra avec le bien, al-hasana, aura bien mieux. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi, seront à l'abri de l'effroi et de la crainte, de la peur. Et dans le verset suivant, hein, c'est écrit: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. Et quiconque viendra avec le mal. Le cheikh il dit dans le premier verset, le verset 89, le bien en question c'est le tawhid. Et dans le verset 90, celui qui vient avec le mal, ici on parle du shirk en réalité. Il dit le cheikh: et quiconque viendra avec le mal, c'est-à-dire qui viendra avec le shirk, alors ils seront culbutés, le visage dans le feu. Hein? N'êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez? Hein? Qu'Allah nous préserve. Donc, ici, le cheikh, il explique que le tawhid, c'est la plus grande des hasanat. Et le shirk, c'est la plus grande des sayyat. Donc le tawhid c'est la plus grande des bonnes actions, et le shirk c'est la plus grande des mauvaises actions. Et le shirk il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ne fera donc de l'injustice à personne, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 40 dans surat An-Nisa: certes Allah ne fait d'injustice, hein, certes Allah ne fait même pas le poids d'un atome d'injustice. Hein, même pas le poids d'un atome d'injustice. Et il dit: wa in taku hasanatan yudha'ifha. Et si c'est une bonne action, il va la multiplier. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Il va donner de sa part une récompense immense. Et cet homme donc qui a désobéi à Allah et qui a rempli 99 registres de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala malgré tout a été doux avec lui, il a été miséricordieux et il a été juste, il ne lui a pas fait d'injustice. Après il dit: فيخرج فيخرج له بطاقة. دونك الشيخ قال البطاقة الورقة الصغيرة. وماذا تكون البطاقة الصغيرة مع 99 سجلا؟ كل سجل مد البصر. هل من حيث النظر تطيش البطاقة لولا ما فيها من التوحيد الذي ثقلها سبحان الله. Donc le cheikh explique que البطاقة c'est une petite carte, vous savez, une carte comme les cartes d'affaires, quelque chose comme ça, hein? C'est une petite carte, un petit morceau de papier. Et puis, donc, le cheikh, il dit, qu'est-ce que cette petite carte pourrait faire à côté de ces 99 registres qui sont aussi élevés et aussi hauts que l'œil peut atteindre, ou le regard peut atteindre, la limite du regard de l'œil. Le cheikh, il dit, si c'était une carte, hein, ordinaire, un petit morceau de papier, si ce n'était pas cette parole de la ilaha illallah qui était écrite dessus, eh bien c'est certain que les 99 registres auraient été beaucoup plus lourds. Mais du moment que sur cette carte il y a la parole de la ilaha illallah écrite, alors là c'est autre chose. Et le cheikh il dit que dans le hadith il dit فَيَقُولُ يَا رَبْ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ Il dit, c'est quoi cette carte? Qu'est-ce qu'elle peut faire à côté de tous ces registres de péché? Donc le cheikh il dit, يستصغرها ولكن فيها كلام عظيم وهو التوحيد. C'est-à-dire il la voit petite, c'est comme si il diminue son importance parce qu'il voit que c'est une petite carte. Donc il réalise pas que c'est quelque chose qui va peser plus lourd dans la balance, parce qu'il se base uniquement sur l'apparence extérieure ou sur la grosseur du papier. Et il dit, mais par contre, il y a dessus une parole immense, hein, qui est la parole du Tawhid. Et le cheikh, il dit, donc il met tous ces registres dans un côté de la balance. Et il met cette carte l'autre côté sur l'autre plateau de la balance. Et le cheikh il dit وَهَذَا فِيهِ إِثْبَاتِ الْوَزْنِ وَزْنُ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ عَدْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا وَأَنَّهَا تُوزَنُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Donc le cheikh il dit, le fait qu'on place les choses sur la balance, il dit ça c'est déjà la preuve de l'affirmation de la balance qui va peser les œuvres au jour de la résurrection. Hein? Donc ça c'est déjà une réfutation de ceux qui nient cette balance-là parmi les gens de Bid'ah. Et il dit ensuite, et ça fait partie de la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est clair que si Allah subhanahu wa ta'ala voulait juger les hommes, hein, s'il aurait voulu les juger sans les balances, il peut, hein, mais il veut établir la justice pour qu'elle soit évidente et claire aux yeux de tous. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une balance pour montrer aux hommes la justice? Même dans cette dunya, on voit que les hommes utilisent la balance comme représentation de la justice. On le voit même dans les images qu'ils font ou les dessins qu'ils font, des dessins de la justice. Je me souviens d'avoir même vu une statue qu'ils ont fait dans un endroit, je me rappelle plus c'est où exactement, mais c'est une statue avec un bandeau sur les yeux et avec une balance dans la main, puis de l'autre côté je pense l'épée, hein, dans l'autre main. Donc c'est pour dire La justice avec la force, hein, qui est représentée par l'épée, et le bandeau sur les yeux qui représente, yani, l'impartialité, hein, et la balance qui représente, hein, la justice. Mais bien entendu, yani, la justice des hommes, elle est limitée. Elle n'est pas parfaite. Parce que la connaissance des hommes, elle est limitée. Donc, par conséquent, la justice des hommes, elle va être limitée aussi. Tandis qu'au jour de la résurrection, la justice d'Allah, elle est parfaite. Et cette balance, ce n'est pas les balances comme les balances de la dunya. Parce que les balances de la dunya peuvent uniquement peser des choses qui sont physiques, qui ont un poids. Tandis qu'au jour de la résurrection, eh bien, il y a des choses qui, pour nous, sont considérées comme étant des choses abstraites, qui, au jour de la résurrection, vont avoir un poids. Donc, c'est des balances particulières, des balances spéciales, qui peuvent peser pas seulement les choses, mais même les actions et les œuvres, les paroles, même les hommes, comment ils sont pesés dans cette balance-là. Ils ne sont pas pesés selon leur poids de leur corps seulement, mais selon la valeur de leur âme, la valeur de leurs œuvres, selon leur foi. Donc, comme il est mentionné dans un des hadiths, une personne qui est très grosse, elle va être placée sur la balance, elle ne va même pas peser l'aile d'une mouche, tandis que on va ramener une personne qui est maigre, qui est petite, qui pèse rien dans la dunya, et elle va être plus lourde que les montagnes à cause de sa foi. Donc c'est des balances qui sont établies sur la justice et sur la vérité, non pas comme des balances dans cette dunya qui pèsent seulement les choses apparentes et extérieures. Et donc elles vont peser la valeur des œuvres, la valeur des actions, la valeur des paroles et tout ça. Et le cheikh, il explique que donc elles vont peser les actions, les bonnes et les mauvaises au jour de la résurrection. Ensuite, il dit فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنه. طاشت يعني ارتفعت وخفت كما أن لا إله إلا الله رجحت بالسماوات والأرض كذلك رجحت بالسيئات التي هي دون الشرك أما لو كان فيها شرك ما نفعه شيء لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحديث البطاقة هذا فيه بيان فضل التوحيد. إذا سلم صاحبه من الشرك وأنه لو كانت عنده ذنوب كثيرة كما سيأتي ملأ الأرض أو قراب الأرض فإن الله يغفرها. Donc le cheikh il explique, il dit que طاشت السجلات, ça veut dire les registres, les 99 registres vont monter et ils vont être légers dans la balance, tandis que la carte, elle va être plus lourde, elle va descendre, et c'est-à-dire le cheikh dit de la même manière que la ilaha illallah, lorsqu'elle est placée dans la balance contre les cieux et tout ce qui est dedans, et la terre et tout ce qui est dedans, eh bien les cieux et la terre sont légers à côté de la ilaha illallah. Et donc, de la même manière ici, les péchés de cette personne, qui sont moindres que le shirk, qui ne font pas partie, c'est-à-dire ces péchés, ils sont des péchés qu'il a commis, mais il n'y a pas de shirk dans ces péchés-là. C'est des péchés qui sont moindres que le shirk. Donc, à cause de ça, la ilaha illallah est plus lourd. Et le cheikh dit toutefois, si la personne en question avait commis du shirk dans ses actions, dans ses péchés, eh bien là, il n'y a rien qui aurait pu le sauver, et sa carte, elle n'aurait pas pu peser plus lourd, parce que le shirk, c'est le péché que Allah ne pardonne pas, comme il mentionne dans le verset 48 dans sourate An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre que le shirk à qui il veut. Donc le hadith de la carte, hadith al-bitaqa, donc le hadith de la carte, il y a dedans l'explication du mérite du tawhid, et que la personne, si elle est épargnée du shirk, si elle n'a pas commis de shirk, alors même si la personne en question avait énormément de péchés, hein, comme on va le voir plus tard, hein, même s'il avait rempli la terre entière de péchés, ou la quantité équivalente à la terre comme péché, eh bien, Allah lui pardonnerait ces péchés-là. Parce que ça, c'est le hadith qui va suivre, en fait. L'explication du hadith suivant. Ensuite, le cheikh, il dit... Oui, c'est ça. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, inshallah. On continuera la suite au prochain cours, bi'ibnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.